Savoir les meilleurs parents du monde sans vouloir romancer. L'amour dans leurs yeux, le vice dans les miens. Lui fait 8 dans les mains. Comment sera mon fils si un jour j'en ai un? Il suivra sa propre voie, telle est ma certitude. Saura que c'est pas les rêves qui tuent mais la servitude. Trop futile, je dirais pas que la vie est une pute, certes utile. Je soutiendrai dans ses études. Malgré le dégoût pour l'éducation nationale, je l'encouragerai. J'étais perdu moi-même à son âge. Et la thune au final, elle est juste additionnelle. Si son absence est mal, ma foi ça reste fonctionnel. L'obsession, mais les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. Les bons comptent les bons amis, mais les bons amis ne comptent pas. Faut savourer ensemble, tout ne tient qu'à un fil. Si j'ai un fils, je voudrais qu'on ne lui touche pas un cil. L'incompréhension, père, fils, perpétue. Manque de repères, peut-être jamais que tu me dises. N'aie pas peur, petit, quand je pleure, peux-tu m'entendre, mon père, putain. Une poignée de main entre nous, c'est à peu près tout. Je suis plus qu'un peu perdu. L'incompréhension, père, fils, perpétue. Manque de repères, peut-être jamais que tu me dises. N'aie pas peur, petit, quand je pleure, peux-tu m'entendre, mon père, putain. Une poignée de main entre nous, c'est à peu près tout. Je suis plus qu'un peu perdu. Mon petit bonhomme, à cet instant, tu t'endors dans ce berceau. Le visage sage, mon fils sage, qui papa veille. Depuis que t'es là, c'est pas pareil. Soir, j'ai besoin de te glisser quelques mots. Mais lesquels comment dire que j'ai plus le même depuis quelques mois. Ça te dit, je sais, tu l'as pas choisi. Pourtant, ce monde le voici. Plein de détresse, de choix, de tristesse, mais de joie aussi. Compte sur moi pour soutenir comme au jour tes premiers pas. Une vie sans désillusion, il n'y a que ça que je te promets pas. Je fais tout pour t'épargner les moments dont j'ai souffert. Comprendre ce monde, je t'apprendrai ce que j'ai jamais su faire. Un jour, c'est sûr, je te dirai cette phrase que m'a dit mon père. Laisse personne te montrer ton chemin, tu perdrais le plaisir de perdre. Restons terre à terre, c'est dur à dire. Ce soir, je parle à une feuille pleine de ratures. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, j'écris pas dans le vent, non. Cette chanson n'est pas vaine. Si un jour t'es là, mon fils, je suis heureux que ces mots te parviennent. Je sais, on parle peu, approche-toi, s'il te plaît, ne pars pas. Moi aussi, j'étais paumé, foncé le cul sur un parpaing. Les plaies du cœur cicatrisent, mais ne se répare pas. Je te laisserai pas, pas. Question, se passera pas ainsi quand je serai papa. Fiston. Je sais on parle peu, approche-toi s'il te plaît ne pars pas. Moi aussi j'étais paumé, foncé le cul sur un parpaing. Les plaies du cœur cicatrisent mais ne se réparent pas. Je laisserai papa, question se passera pas ainsi quand je serai papa. Dans ce monde obscur, mon fils trouvera sa lanterne. Sachant que les porcs qui nous dirigent nous endorment à long terme. Sourire cousu à l'antenne, fondu dans la dentelle. Évoque même en Afrique une famine accidentelle. Coco occidental, de toutes les bassesses mentales. L'indifférence vue comme telle est la plus pute d'entre elles. Y'a plus d'entraide, pour toi le fruit de mes entrailles. Que les fusils s'enrayent, plus vite que ma voix s'éraille. Mon fiston faudra qu'il sache qu'on y arrive qu'en grattant, pas en braquant. Qu'on apprend à force gratter et en se battant. Quand Satan viendra le flatter, quand il vient chanter à c'est un pan, la jeunesse veut des bâtons, j'allemand des bâtons. Avance à tâtons, car au tournant on t'attend. On ne peut connaître le bout du chemin qu'en l'empruntant. Quand on respecte des parents, il dure plus de 18 printemps. L'incompréhension, père, fils, perpétue. Manque de repères, peut-être jamais que tu me dises. N'aie pas peur, petit, quand je pleure, peux-tu m'entendre? T'es mon père, putain. Une poignée de main entre nous, c'est à peu près tout. Je suis plus qu'un peu perdu. L'incompréhension, père, fils, perpétue. Manque de repères, peut-être jamais que tu me dises. N'aie pas peur, petit, quand je pleure, peux-tu m'entendre? T'es mon père, putain. Une poignée de main entre nous, c'est à peu près tout. Je suis plus qu'un peu perdu. Je sais, on parle peu, approche-toi, s'il te plaît, ne pars pas. Moi aussi, j'étais paumé, foncé le cul sur un parpaing. Les plaies du cœur cicatrisent mais ne se répare pas. Je laisserai papa, question se passera pas ainsi quand je serai papa. Fiston. Je sais, on parle peu, approche-toi, s'il te plaît, ne pars pas. Moi aussi, j'étais paumé, foncé le cul sur un parpaing. Les plaies du cœur cicatrisent mais ne se répare pas. Je laisserai papa, question se passera pas ainsi quand je serai papa.